Chapitre 3, la cave de bronze. Avec ses montagnes géantes aux profondes vallées, le Mexique offre une prodigieuse variété de couches géologiques. Dans cette terre embrasée par les volcans, secouée par les tremblements de terre, on découvre des gisements de métaux précieux et de minéraux rares, d'une diversité et d'une richesse infinie. L'or, l'argent, le platine, le mercure, le cuivre s'y rencontrent aussi bien que les rubis, les émeraudes et les topazes. Quoique ces trésors soient défendus par des marécages pestilentiels, des déserts, des montagnes infranchissables, de tout temps on s'est battu pour leur possession, et cette généreuse terre mexicaine, le plus beau jardin du monde, comme l'a appelé un poète espagnol, a été largement arrosé de sang. Aujourd'hui, la lutte se continue sous d'autres formes. Malgré leur ténacité, leur furieuse bravoure, dès qu'il s'agit de conquérir des dollars, les Américains ont été de longues années avant d'entamer ce pays mystérieux et fermé, replié en lui-même et qui n'avait guère changé depuis Fernand Cortés. Actuellement, il y possède des chemins de fer et des mines, concurrencés en cela par les Anglais et les Allemands. Et chaque année, l'œuvre de pénétration se poursuit avec persévérance. Demain, c'est au Mexique, où l'on a découvert les plus riches sources du monde, que se livrera la grande bataille pour le pétrole, qui de plus en plus deviendra le grand et peut-être l'unique combustible industriel. Déjà les trois peuples impérialistes prennent position, achetant fiévreusement des terrains, sollicitant des concessions des éphémères dictateurs de ce pays où règne en permanence la guerre civile. Dans un rayon de 10 000 autour de l'Estancia, il n'y avait pas moins de 4 exploitations minières, 2 anglaises, une américaine, la mine d'or de la Mexican Mining Bank et une allemande dont les concessionnaires opéreraient des sondages pour la recherche du pétrole. Ce dernier établissement, encore à ses débuts, ne comprenait que quelques hangars au-dessus desquels s'élevaient les échafaudages du Derrick ou superstructure des puits de sondage, construits au fond d'une vallée de la Cordillère que bordaient de toutes parts des rochers abrupts. C'est vers ces bâtiments où brillaient encore quelques lumières qu'un peu avant minuit, se dirigeait à bride abattue une Amazone montée sur une superbe jument de race andalouse. Sans modérer son allure, elle franchissait insoucieusement les ravins. Les cours d'eau et les rochers suivaient parfois des sentiers qui côtoyaient des gouffres. Le ciel était d'un bleu profond, d'une douceur de velours, où les étoiles luisaient comme une poussière de diamant, répandant sur le paysage tourmenté une lueur argentée, infiniment mystérieuse. Dans ce décor de silence et de sérénité, l'Amazone passait comme un ouragan. Elle fit halte à 2 pas de la palissade qui entourait le bâtiment, sauta en bas de sa jument baignée de sueur et tira la corde d'une cloche. Des abois de chiens retentirent. Il y eut un va-et-vient de lumière à l'intérieur et un homme qu'escortait de grands dogues d'hommes parut à la barrière à claire voix. « Que désirez-vous » demanda-t-il à la visiteuse, en espagnol, mais avec un fort accent allemand. « Il faut que je voie tout de suite le seigneur ingénieur, » répondit-elle avec impatience. « Je suis Donna Violante Alvaredo. » L'homme ouvrit aussitôt la barrière et introduisit la jeune femme dans une pièce au mur nu, uniquement meublée de tables et d'escabeaux de bois blanc, et qu'éclairait d'une vive lueur une lampe à acétylène. Quand Violante entra, l'ingénieur était fort occupé à coller des étiquettes, portant chacune un chiffre et une annotation sur 2 petits flacons remplis d'un liquide brun ou verdâtre qui était du pétrole brut. Sur une autre table, des spécimens, des couches traversées par la sonde, étaient méthodiquement alignés dans 2 petites boîtes plates. Assez corpulents, L'ingénieur paraissait avoir dépassé la quarantaine. Sa face carrée, aux mâchoires lourdes, exprimait une énergie puissante, mais brutale. Le fond très vaste était surmonté d'une forêt de cheveux roux. Derrière les sourcils pâles, les yeux petits et d'un jaune verdâtre, étincelaient d'intelligence et de ruse. « Asseyez-vous, Seigneura, » dit-il en avançant un escabeau à la visiteuse. Celle-ci paraissait trop surexcitée pour accepter cette offre. Essoufflée et rouge, les yeux brillants de fièvre, elle allait et venait par l'étroite pièce. Elle rejeta son manteau et l'ingénieur s'aperçut que son corsage de velours bleu orné de broderies d'or était taché de sang. Il y avait aussi un peu de sang sur sa main droite couverte de bagues de grand prix. Émue, hésitante, en proie sans doute à un violent combat intérieur, elle ne se décidait pas à prendre la parole, mais l'angoisse se peignait sur ses traits bouleversés, dans ses admirables yeux noirs d'où les larmes semblaient prêtes à jaillir. « Que se passe-t-il donc, Seigneura ?» demanda enfin l'ingénieur. « Vous paraissez troublé. Jamais je ne vous ai vu ainsi. Je viens de faire une mort, » murmura-t-elle avec un frémissement de tout son corps. « J'ai tué Lorenza, une de ces filles de rien qui vivent à l'Estanzia, avec les hommes que commande Pedro Estrada. » Et comme son interlocuteur demeurait silencieux, « Je ne me repens pas, » continua-t-elle avec un grondement de colère dans la voix. « Je recommencerai au besoin. J'ai surpris cette maudite fille avec Pedrillo. Je lui ai planté mon poignard dans le sein. » L'envie me mordait au cœur de le tuer, lui aussi. Il m'a fallu toute ma volonté, toute la force de mon amour pour ne pas le faire. Ah, le lâche! Comment a-t-il osé me trahir après ce que j'ai fait pour lui? C'est un homme sans âme, un ingrat. Violante fondit en larmes. Elle sanglotait et se tordait les mains, tandis que l'ingénieur la considérait avec le sang-froid tranquille d'un savant qui disait qu'une plante ou un insecte. Il y a longtemps, poursuivit-elle, que je soupçonnais sa trahison, et se montrait presque froid avec moi. On eût dit qu'il ne m'embrassait que pour remplir une tâche qu'on ne peut éviter. Ah, je n'aurais pas dû quitter l'Estanzia. C'est pendant que j'étais à Presidio que cette coquine a dû l'enjôler. Ces derniers temps, c'est à peine si elle avait la pudeur de cacher ses sentiments. Oh, Lorenza le suivait partout. Il lui achetait des parures avec l'argent que je gagnais, moi, au prix de tant de dangers. Quelle honte! Il me semble que vous ne manquez pas de parures. Vous en avez autant que la Vierge miraculeuse de Kosamalaopam, qui en possède pour 100 000 piastres, et qui, dit-on, rougit de plaisir quand on la porte en procession avec tous ses bijoux. Ne vous moquez ni de moi, ni de la Vierge. Reprit tristement Violante, en caressant d'un geste machinal le collier de grosses perles et la rivière de diamants qui s'étalait sur sa poitrine décolletée. « Je donnerai toutes ces babioles pour que Pedrillo m'aimât comme autrefois. »« Enfin, que voulez-vous de moi ?» demanda l'ingénieur du ton sec et tranchant de l'homme positif auquel on fait perdre son temps. Violante eut un regard d'une énergie sauvage. « Vous avez raison, » fit-elle. « Parlons sérieusement. Je veux que vous m'aidiez à reconquérir Pedrillo. Que vous voulez que je fasse ? Écoutez-moi, cela est triste à dire, mais je ne le tiens que par l'argent. Il faut que vous m'aidiez à faire sortir de l'Estanzia les banknotes que j'ai rapportées de Presidio. » Les petits yeux de l'ingénieur lancèrent un éclair furtif. Sa physionomie se détendit. « Je vais réfléchir, » dit-il. Et puis, continua-t-elle, un peu calmée, c'est lui rendre service à Pedrillo. Depuis que cet argent est entré à l'Estancia, c'est une orgie perpétuelle. Les hommes passent la nuit à danser, à boire et à jouer de la guitare. Toute la somme s'en ira en fumée, comme cela est arrivé chaque fois que nous avons fait une prise importante. Cela, je ne le veux pas. Si Pedrillo Estrada n'est pas ambitieux, il faut que je le sois pour lui. Je me suis juré qu'il serait dictateur, et les banknotes ne doivent pas être employées à autre chose. Oui, fit l'ingénieur en baissant la voix. Il y a une autre raison pour que l'argent ne reste pas à l'Estancia. Ceux auxquels il appartenait vont essayer de le reprendre. Je sais de sources certaines qu'ils sont en ce moment à la mine de Santa Maria, où ils organisent une expédition contre Pedro Estrada. À qui vous a dit cela? Vous devez savoir que je suis toujours bien informé. Qui donc vous a donné la marche à suivre dans vos affaires de Presidio? Qui vous a fait acquérir à vil prix ces terrains que la société que je représente a rachetés à Baudonnier Content? Qui vous a maintes fois prévenu quand il y avait une bonne capture à faire ou quand les troupes régulières se préparaient à vous donner la chasse? Convenez que je me suis toujours montré votre ami, un ami bien renseigné. Aussi n'ai-je confiance qu'en vous. C'est ici que je déposerai les banknotes. Je vous sais capable de les défendre. Oui, mais il ne faudrait pas trop tarder. Vous allez venir avec moi cette nuit même, à l'instant. Le moment est propice. Les hommes font bombance à cette heure-ci, les trois quarts d'heure sont déjà assommés par le pulque et l'eau de vie de Cannes. Mais Pedro Estrada, il est parti comme un fou à franc étrier, chercher un médecin pour la Lorenza qui n'était pas encore tout à fait morte. Je crains bien, ajoute-t-elle avec un sourire féroce, qu'il ne la trouve pas vivante quand il rentrera. Ah, nous allons partir de suite. Vous savez comment ouvrir la cave de bronze? Bah oui, j'ai la clé de la porte et je sais le mot de la combinaison. Pedrillo n'a pas osé me les retirer. Pendant la dernière partie de cette conversation, l'ingénieur s'était armé, avait jeté un manteau sur ses épaules et s'était coiffé d'un sombrero. Il se fit amener son cheval par un péon et bientôt il galopa aux côtés de Violante, par les chemins raboteux qui conduisaient à l'Estancia. Ils en étaient encore à une certaine distance lorsque le son des guitares leur arriva, porté par la brise. En même temps, ils constatèrent que les fenêtres de l'ancien fort étaient brillamment illuminées. Voilà ce qu'ils font toutes les nuits, murmura Violante avec mépris. Ils ne sont guère bons à autre chose. À mesure que la jeune femme et son compagnon se rapprochaient, ils discernaient plus distinctement le vacarme des cris, des rires et des chansons. Ils arrivèrent près du pont-levis qui était abaissé. « C'est parfait !» s'écria Violante quand ils eurent franchi la porte qu'ils trouvèrent entrebâillée. « Personne n'est là pour surveiller les allants et venants. Les gardiens sont ivres morts. »« Ah, tant mieux pour nous !» ricana l'ingénieur. La cour était déserte. Seule une douzaine d'ivrognes dormaient au clair de lune, sur la pierre nue, en fantonnant encore dans leur sommeil quelques vagues refrains. Ils mériteraient que les Yankees viennent cette nuit et les égorgent jusqu'au dernier, s'écria Violante, indigné. C'est qu'il n'y aurait rien d'impossible à cela, grommela son compagnon dont le front se rembrunit. Allez, hâtons-nous, il faut aller vite en besogne. Tous deux allèrent attacher leurs chevaux sous un hangar où s'en trouvaient déjà un grand nombre d'autres. Et se faufilant le long des murs, gagnèrent le fond de la cour, en évitant de passer près de la salle d'où s'élevait le tumulte de l'orgie. Ils étaient arrivés devant une porte basse lorsque Violante se retourna, comme hésitante. « Avant tout, fit-elle, j'ai bien envie d'aller voir si la Lorenza a fini de mourir. »« Et pourquoi ?»« Parce que, » murmura-t-elle avec un sourire féroce. Si par hasard elle était encore vivante, je mettrais bon ordre à cela. Oh, je ne vous savais pas si cruel, répliqua l'ingénieur avec une sorte de colère. Ne vous occupez pas de cette fille. Je vous déclare que je renonce à vous aider si vous ne voulez pas suivre mes conseils. Soit, déclara la jeune femme, haineusement. J'irai voir la Lorenza un peu plus tard. Elle ouvrit la porte où aboutissaient les dernières marches d'un large escalier de pierre aux marches branlantes. Ils descendirent avec précaution à la clarté d'une petite lampe de poche électrique que tenait Violante. Après avoir compté 30 marches, ils se trouvèrent dans une galerie creusée dans le roc sur lequel le fort était construit. « Voici l'entrée de la cave de bronze, » déclara Violante, en montrant l'extrémité de la galerie, où sur la teinte bleuâtre du granit se découpait un rectangle d'une éblouissante couleur verte. « Oh, qui diable a eu l'idée d'un semblable installation ?» demanda l'ingénieur, avec surprise. « Cela coûterait aujourd'hui une somme folle. La cave de bronze remonte peut-être au temps de Cortés. C'est là qu'on serrait les sacs de poudre d'or et les barres d'argent avec lesquelles les Indiens payaient l'impôt aux conquistadors. Plus tard, les Français la transformèrent en poudrière. Enfin, près de Rio, a fait adapter à la porte par un serrurier de Mexico le mécanisme d'un coffre-fort moderne. Ils étaient approchés. Violante manœuvra rapidement les boutons de métal qui commandaient la serrure. « Quel est le mot ? » demanda-t-il. « Je n'ai pas le droit de vous le dire. D'ailleurs, que vous importe, puisque nous prendrons tout. »« Oui, c'est juste, » fit-il avec dépit. La porte s'était entrebâillée, mais elle était si massive qu'ils durent réunir leurs efforts pour l'ouvrir entièrement. La clarté de la lampe électrique montrait les parois, du même vert éclatant que la porte, d'une chambre de 10 à 12 mètres de longueur sur 4 de largeur. Il n'y avait aucun soupirail, aucune prise d'air, aucune ouverture vers l'extérieur, et il s'exhalait de se réduire une amère et nauséeuse odeur de verre de gris. Violante et son compagnon se reculèrent, chassés par ce souffle pestilentiel. Ils apercevaient au fond du souterrain la valise qui refermait les banknotes et à côté un tas régulier d'objets brillants. Pendant qu'ils attendaient que l'air se fût renouvelé dans l'intérieur de la chambre de bronze, afin de pouvoir y pénétrer sans danger, ils demeurèrent silencieux. Le chant des guitares assourdi par l'épaisseur des voûtes leur arrivait vague et lointain comme dans un rêve. Ils se sentaient envahis par une étrange émotion que nul des deux n'eût voulu avouer à l'autre. Tout à coup, l'ingénieur tressaillit. Il avait cru entendre le bruit étouffé d'un gémissement. « Est-ce que je déraisonne ?» balbutia-t-il. « Il m'a semblé... »« Oh, ne faites pas attention à cela, » répondit-elle. « Il y a quelques prisonniers dans les cachots. » De la main lui montrait plusieurs portes situées à droite et à gauche de la galerie, qu'il n'avait pas remarquées en arrivant, car le bois et la pierre envahis par les moisissures se confondaient dans une même teinte. « Il faut en finir, » ajouta-t-elle. « J'ai hâte d'être sortie d'ici. » Elle alla jusqu'au fond de la chambre de bronze et souleva la valise. « Qu'est-ce qui brille là-bas ? » demanda-t-il. « Ce sont des lingots d'or, la réserve de Pedro Estrada. Nous allons les emporter, je suppose. »« Ah non, c'est impossible. Pedro m'a défendu d'y toucher sous peine de grand malheur. Je lui ai juré de ne jamais essayer de les prendre. »« Vous êtes vraiment naïve, » ricana-t-il. « Vous croyez tout ce qu'on vous dit. Le malheur sera pour lui de ne plus trouver ses lingots. Allons, passez-les-moi. » Ils seront mieux entre nos mains qu'entre les siennes. » Après une seconde d'hésitation, la jeune femme obéit et remit à l'ingénieur une barre d'or de la forme de la grosseur d'une brique. Elle retourna en chercher une seconde qu'elle lui donna comme la première. Mais au moment où elle soulevait la troisième, un déclenchement se produisit, et la porte de bronze se referma rapidement, avec le bruit d'un coup de canon dont les voûtes du souterrain répercutèrent longtemps le grondement solennel. L'ingénieur demeura immobile, si troublé qu'il laissa tomber sa lampe électrique qui s'éteignit. Il trébuchait dans les ténèbres, tâtonnant pour trouver l'escalier, si ému qu'il ne songeait même pas aux deux lingots qu'il avait déposés à terre. « Elle est perdue !» bégaya-t-il en claquant des dents. « Pourquoi n'a-t-elle pas voulu me dire le mot ?» Un frisson d'épouvante lui descendait le long de l'échine, lorsque tout à coup, jaillit des portes refermées, un hurlement de bête qu'on égorge, un appel déchirant qui n'avait plus rien d'humain, et la sonorité du métal, dont les vibrations se répercutaient, avec une lenteur majestueuse, comme celle des cloches, amplifiée de terrifiante façon ses accents douloureux. Se cognant aux murailles, l'ingénieur s'enfuit à moitié fou et ses pieds se heurtèrent contre les premières marches de l'escalier. Il lui semblait qu'il était poursuivi par les râles d'agonie de la misérable Violante, scellée toute vive dans le sépulcre de bronze, à l'atmosphère vénéneuse. Il gravit quelques marches, le visage baigné d'une sueur glacée, puis s'arrêta une seconde, le cœur gonflé par une intolérable angoisse. Il constatait que l'horrible clameur qu'il avait remuée dans toutes les fibres de son être allait déjà en diminuant, se muait en un gémissement ininterrompu comme le grondement d'un gond. « Il faut pourtant que je redescende !» se cria-t-il à lui-même. Farouchement, il revint sur ses pas et à quatre pattes sur le visqueux. Il cherchait sa lampe. Les mains tendues, il explorait les ténèbres, s'efforçant au sang-froid. Pendant 10 minutes mortelles, il tâtonna au hasard. Enfin, il trouva ce qu'il voulait. La voix de la moribonde, cette voix qui semblait venir de l'autre côté du tombeau, s'était tue brusquement. Dans un milieu hermétiquement isolé de l'air extérieur, l'asphyxie accomplit son œuvre avec une rapidité foudroyante. Violante était sans doute déjà morte ou tout au moins évanouie. Ce funèbre silence parut à l'ingénieur aussi terrible à supporter que les cris déchirants qui retentissaient quelques instants auparavant. Il venait de ramasser précipitamment les deux lingots et se préparait à quitter ce lieu de désolation lorsqu'une inquiétude lui vint. Il gratta le métal avec son couteau. Le cuivre apparut sous la mince couche d'or. Il rejeta les lingots, furieux de la déconvenue. Il remarqua alors que sur l'éclatant fond vert de la porte de bronze, on avait grossièrement dessiné une tête de mort, suivie du chiffre 3. Il aurait fallu, songea-t-il, comprendre cet avertissement ou cette menace énigmatique. Pedro Estrada est sans doute le seul à savoir qu'en déplaçant le troisième lingot, on déclenche le mécanisme de la fermeture. Maintenant qu'ils avaient surmonté sa peur d'un instant et maté ses nerfs, l'ingénieur demeurait exaspéré de cette expédition manquée. « Allons-nous-en » grommela-t-il. Il se rapprocha de l'escalier, mais au moment où il allait s'y engager, un homme apparut en haut des marches. Au rayon de la lune, sa silhouette se détachait en vigueur sur le cadre de la porte qui aboutissait à la cour et qui était demeurée ouverte. L'ingénieur étouffa un juron. La retraite lui était coupée par le nouveau venu, dans lequel il crut reconnaître Pedro Estrada. Il n'eut que le temps d'éteindre sa lampe et de se rejeter en arrière. Il laissa l'inconnu, qui était muni d'une petite lanterne sourde, descendre tranquillement. Mais au moment où il mettait le pied sur le sol de la galerie, il lui brûla la cervelle, presque à bout portant, avec son Browning. La minute d'après, il s'élançait vers le hangar où il avait attaché son cheval, monté en selle et franchissait au galop la porte de l'Estancia. Il n'en était pas éloigné de plus de 500 mètres quand un homme se dressa devant lui en lui intimant l'ordre de faire halte. Pour toute réponse, il déchargea son Browning dans la direction de celui qui lui barrait le passage et enfonça ses éperons dans le ventre de son cheval. Des coups de feu éclatèrent. Plusieurs balles traversèrent son manteau et blessèrent son cheval. Une autre lui enleva son feutre. La lune, un instant voilée par un nuage, se dégageait éblouissante. Les traits du fugitif apparurent en pleine lumière. « Klaus Christian !» cria une voix dans la nuit. « Nous nous reverrons, Todd Marvel !» répondit le docteur avec un ricanement. Au milieu de la grêle de projectiles qui continuait à siffler à ses oreilles, le bandit enleva son cheval et d'un bond lui fit franchir une large crevasse, ce qui rendait toute poursuite inutile. Les ouvriers de la mine d'or de Santa Maria, que le détective avait armé pour faire le siège de l'Estancia, sortaient maintenant de derrière les rochers et les buissons où ils s'étaient mis en embuscade. Grâce à l'obscurité, grâce aussi à la négligence des bandits, ils avaient peu à peu cerné la petite forteresse. Je suis allé jusque dans la cour intérieure, déclara Floridor. Il est inutile de nous cacher maintenant. Les portes sont ouvertes et le pont-levis a baissé. Personne ne nous fera résistance. Et Ned Markham? Il est entré dans l'estancia et n'en est pas ressorti. Je crains qu'il ne se soit laissé surprendre. Nous allons bien voir. D'un coup de sifflet, Todd Marvel rassembla ses hommes. Ils étaient au nombre d'une centaine, tous résolus et bien armés. Les Stanzia furent sur le champ occupés sans coup férir. Ceux des bandits, qui n'étaient pas complètement ivres, furent capturés avant d'avoir eu le temps de faire usage de leurs armes. Mais on ne put découvrir ni Violante ni Pedro Estrada. Les prisonniers interrogés déclarèrent que le général et son ami avaient isolément quitté le fort, dans le courant de la soirée. « Ah, je crains bien que nous n'arrivions trop tard, » dit le détective. « L'intervention de Klaus Christian dans cette affaire ne me dit rien de bon. Puis Markham a disparu. Je ne crois pas qu'il nous ait trahis. En tout cas, nous ne pouvons porter aucun jugement avant d'avoir visité la cave de bronze. » Ils en découvrirent sans peine l'emplacement et descendirent. Floridor, qui marchait le premier, armé d'une torche de résine, arrivé au bas de l'escalier lorsqu'il se trouva en face d'un cadavre qui gisait au milieu d'une mare de sang. Il reconnut Ned Markham. « Oh, le malheureux !» murmura-t-il. « Il a durement expié son crime. Il vaut mieux peut-être qu'il en ait été ainsi. Ce sera sans doute plus tard pour Miss Lillian un adoucissement à ses peines d'apprendre que son père, avant de mourir, a essayé de réparer le mal qu'il avait fait. » Ce fut là toute l'oraison funèbre du voleur de banknotes. Après avoir retrouvé, sans surprise, les deux lingots de cuivre dorés rejetés par Klaus Christian, Todd Marvel et Floridor étaient arrivés à la porte de bronze. Ils comprirent du premier coup que la dynamite seule pourrait avoir raison d'une pareille fermeture. Les mineurs de Santa Maria avaient heureusement apporté une certaine quantité d'explosifs pour le cas où l'on eût été forcé de pratiquer une brèche. On s'occupa sans perdre de temps d'installer un fourneau de mine sous le seuil de la cave. On avait d'autant plus de raisons de se hâter qu'un retour offensif de Klaus Christian et des travailleurs de la concession allemande placés sous ses ordres n'était pas impossible. Les préparatifs étaient terminés et Floridor venait de mettre le feu au cordon Bigford qui devait provoquer l'explosion lorsque le vieux mineur qui l'avait aidé attira son attention. « Il me semble qu'on a appelé ici, tout près, » fit-il. « Je n'ai rien entendu, » dit le Canadien, en haussant les épaules. « C'était une voix très faible. Tu te trompes, tes oreilles ont tinté. Allons-nous-en. » Ils s'éloignèrent précipitamment quand, tout à coup, Floridor se frappa le front. Il revint précipitamment sur ses pas et écrasa sous son talon la mèche qui continuait à brûler. « Mon Dieu, qu'allais-je faire ?» balbutia-t-il. « Tu ne t'étais pas trompé. Il y a un prisonnier ici. Nous avons totalement oublié le fiancé de Miss Lillian, Gérard Perkin. Quelques minutes de plus et c'en était fait de lui. Mais pourquoi n'a-t-il pas appelé plus tôt ?» grommela le vieux mineur. La porte fut enfoncée d'un coup d'épaule par Floridor et l'on tira la malheureuse belge du réduit, où il gisait sur un peu de paille pourrie. Il était si affaibli qu'il paraissait hors d'état de se tenir debout. Il fut transporté dans la cour avec précaution. Il parut respirer avec délice l'air pur de la montagne et une faible rougeur colora presque aussitôt ses joues amaigries. Sur l'ordre de Todd Marvel, on le coucha dans un amas de fibres d'aloès, et en attendant qu'il fût assez fort pour pouvoir supporter des aliments plus solides, on lui fit boire quelques gorgées de vin d'Espagne. Au bout d'une demi-heure de soins, bien qu'encore très faible, il était en état de remercier ses sauveurs et de leur donner heureusement qu'il leur entendait avec impatience. Grâce au signalement et aux photographies de Violante et de Markham dont ils étaient munis, il avait pu les suivre à la piste jusqu'à l'Estancia. Il se rendait à la mine de Santa Maria pour y rechercher du confort. Quand signalé à ses ennemis par Klaus Christian, il avait été pris par eux et jeté dans un cachot fétide où les bandits oubliaient souvent de lui apporter à manger. Il avait entendu tout ce qui s'était dit, Klaus Christian et Violante, Alvaredo, mais quand les portes de bronze s'étaient refermées avec un bruit de tonnerre, ses nerfs déjà ébranlés n'avaient pu résister à une pareille commotion. Il s'était évanoui. Il commençait à peine à revenir à lui quand le mot de dynamite avait frappé ses oreilles. C'était miracle qu'il eut la force de pousser le faible cri d'appel que le vieux mineur avait entendu. Ce récit fut interrompu par une violente détonation. Le fort trembla dans ses fondations. Un rugissement souterrain sembla s'élever des assises de la montagne. Les portes de la cave de bronze venaient de sauter. Les banknotes furent retrouvées intactes à côté du cadavre de Violante, dont le visage noirci et marbré de taches violettes gardait pourtant dans la mort une tragique beauté. Son agonie dans la cave de bronze avait dû être terrible. Son immense chevelure, toute dénouée et souillée de vert de gris, était éparse autour d'elle. Ses ongles étaient arrachés et des larmes de sang gouttelaient de ses prunelles. Son dernier geste avait été pour tracer le nom de Pedrillo d'un doigt défaillant sur l'éblouissante couche verte d'oxyde de cuivre qui recouvrait les parois de la chambre.